projet qui claque. C'est bien plus kiffant que ça quand je mets la main à la pâte. Tu me crois pas capable d'être fidèle à un homme, mais je suis pas de ces chiennes qui font les bouffonnes. Tu me crois pas capable d'exploiter leur rap, mais je te rappelle qu'il y a pas moyen pour que moi je parte. Tu m'as pas cru capable, mais me voilà. Si c'est boycotté, tiens les coupables, mon gars. Tu me crois pas capable d'être respecté parmi plein de mecs, mais ils me respectent parce que moi je me respecte. Tu me crois pas capable détester le peurat, mais je suis pas à l'abri du jour où lui et moi on divorcera. Tu me crois pas capable d'énumérer plein, tu me crois pas capable. Mais si ça pour rien, vas-y, reste calme. Tu me crois pas capable de rapper dans les temps, mais moi je saute pas déjà, il manque pas les dents devant. Tu me crois pas capable m'énerver pour de vrai, pas grave, les expériences seront à tes frais. Tu me crois pas capable faire 26 kits sans répéter, mais y'a zéro moyen de m'exprimer sans intérêt. Tu me crois pas capable se faire un nom avec Delita, mais observe bien mon gars, nous on en est là. Tu me crois pas capable du meilleur autant que du pire, mais je suis comme tous ces gens, j'adapte mes choix et je respire. Tu me crois pas capable me trouver une maison de 10, tant mieux j'en veux pas moi, Delita est au beau fixe. Tu me crois pas capable faire autre chose dans la musique, mais je vais pas chanter ma sœur, ce serait dramatique. Tu me crois pas capable traiter tes thèmes trop osés, mais t'inquiète, moi je rappe pas pour pas être censuré. Tu me crois pas capable d'assumer, c'est comme chute, mais t'inquiète, je te le dis, j'ai rien à prouver à cette pute. Tu me crois pas capable de soutenir le PO, mais aux Toulousains on leur a mis 50-0. Tu me crois pas capable d'assumer tout ce que je fais, mais regarde à l'heure qu'il est, je suis la seule à rapper. Tu me crois pas capable d'assumer tout ce que je dis, mais y'a rien de tout ça qui soit pas tiré de ma vie. Tu me crois pas capable de porter chaque jour du rouge, c'est vrai des fois je suis en blanc pour que la piste soit plus trouble. Tu me crois pas capable de résister aux coups de pression, mais t'imagines pas à quel point Delita s'en bat de façon. Tu me crois pas capable de le faire un battle, ça c'est vrai, mais laisse-moi 10 minutes que je le mette sur feuille. Tu me crois pas capable de tenir tête à des flics, mais je suis capable de leur dire que j'ai pas de patronyme fils. Tu me crois pas capable de foutre un refrain, mais qui a dit que le rap c'est de la variété, putain. Tu me crois pas capable d'être où j'en suis et de percer, mais moi et mes sauces, on a que ça à faire nos journées. Tu me crois pas capable d'aller beaucoup plus loin, en attendant peut-être j'aurais fait ça au moins. Tu me crois pas capable jamais faire la tasse en boîte, mais je crois c'est ta meuf qui est là-bas en train de se mettre à quatre pattes. Tu me crois pas capable d'être coupable au moins une fois, mais dans ma vie je regrette déjà beaucoup trop de dégâts. Tu me crois pas capable d'être attendrissante, mais Delita en fait c'est une meuf qui est trop tendre. Tu me crois pas capable de pouvoir me calmer, mais je suis zen et timide de nature, on croit jamais. Tu me crois pas capable de pouvoir m'arrêter, mais l'instru est fini mon frère, faut bien se décider.